suis à la fin. Je te salue de là où je suis. Et devant ta pose n'a qu'un bras. J'ai envie de me faire une truie. Oh salope, salope truie. Vous m'excitez toute la journée. C'est impensable de bander comme ça. C'est impensable de couiner comme ça. Idem pour les juments et les bébés maquereaux. Je les désire autant qu'un fil de veau. Je ferai la guerre à tous vos mâles. Car sans le sexe avec vous, je me porterai pâle. Oh salope, salope de truie. Vous m'excitez toute la journée. C'est impensable de bander comme ça. C'est impensable de couiner comme ça. À tous les chiens de la planète, rangez vos femelles sous la couette. Car je m'en vais baiser de la chienne. Me décharger toutes les semaines. Oh salope, oh salope de truie. Vous m'excitez toutes mes journées. C'est impensable de parler comme ça. C'est impensable de couiner comme ça. Qu'est-ce que je fuis?